Je vous apporte de la bonne galette de l'art de Picardie. Artemise, mon époux qui virait à tous les vents, je vous apporte quelque chose qui vous fera tenir tranquille. Tonneau, ma femme, tonneau, ma femme. Le bon pan de France et le bon vent de France, désormais, il ne faut plus qu'ils soient séparés. Artemise, mon ami, vous dites une bonne chose, alors je vais vous embrasser. Croquants, rustres agrestes et grossiers. N'avez-vous point vergogne de vous réjouir ainsi comme des païens en cette sainte veille de Noël, pendant que le roi, notre seigneur, se rend à Reims pour y être consacré de la main des anges? Eh, c'était pas le moment de boire un petit coup? Parce qu'Ortebise a retrouvé Jean Raisin et que la moitié de la France, sur son cœur, a retrouvé l'autre moitié. Surtout qu'il fait rudement frisquer, on peut le dire, à rester gelé comme ça, attendre. Un petit coup de vin, un petit air de danse, ça ne fait de mal à personne. La forêt elle-même, pour se préparer au mystère de cette sainte nuit, s'est couvert la tête d'un voile blanc. Et vous autres, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Oh, Perrault, là-haut, est-ce que tu vois quelque chose? C'est Perrault qu'on a envoyé là-haut pour voir. Je vois une petite lumière. Le roi de France. Allons, mes enfants, venez tous autour de moi et répétons tous ensemble cette belle antienne de latin tout blanc que je vous ai apprise. La terre a étendu un grand tapis de neige sous les pieds du roi, notre sire. Et nous, de la Loire jusqu'à Reims, il faut que nous étendions un grand tapis de prière. Aspiciens allongés, vous comprenez, c'est le peuple juif qui attend le Messie, comme nous le roi notre sire. Aspiciens allongés. cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu avec Jeanne. Les voix ne m'avaient pas trompée. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompée. Le roi ne voulait pas venir et c'est moi qui ai pris son cheval par la bride. Toutes les mains de la France en une seule main, une telle main qu'elle ne sera plus divisée. Jeanne, Jeanne, Jeanne, est-ce pour un roi de chair que tu as donné ton sang virginal?